Amis humains, bonjour. Pour une épargne éthique, écoutez. Voici les trois principales questions que les gens se posent en entrant dans une banque pour un placement. Combien ça me rapporte d'intérêt? Est-ce imposable? Est-ce un placement à risque? Mais qui se pose réellement la question de savoir à qui et à quoi sert véritablement cet argent? Est-ce un investissement éthique? Mon argent privilégie-t-il l'humain? Sert-il à des projets dont la valeur environnementale ou sociale est prépondérante? Peut-on me dire à quoi sert mon argent? Que se cache-t-il sous le prétexte du secret bancaire? Où vont les capitaux? Utilisation et transparence des prêts et des fonds. Qu'est-ce que je cautionne? De quoi suis-je complice à mes dépens? Puis-je avoir le nom des emprunteurs, la nature, le montant et la durée du prêt? La banque peut-elle publier ses comptes en toute transparence? Etc. Le saviez-vous? Il est plus que temps d'alerter l'opinion publique. Nous nous plaignons tous que le monde va mal, mais nous contribuons tous par notre responsabilité. Notre passivité à différents niveaux à ce programme. Nous cautionnons un système à cause de notre égoïsme, de notre cupidité, de notre aveuglement, la peur de savoir la vérité ou tout simplement de notre ignorance. Avez-vous conscience que les banques traditionnelles ne représentent pas un système éthique pour votre épargne? Une banque privilégie le meilleur rendement sans se soucier de l'utilisation qui est faite de l'argent déposé. Souvent, elle finance la production et la commercialisation d'armes ou de marchandises présentant des dangers pour la vie humaine, l'environnement, la planète. Elle finance également des activités basées sur l'exploitation d'enfants mineurs ou encore la répression des libertés civiles. Les banques recyclent, blanchissent l'argent sale de provenance douteuse. L'objectif poursuivi par les banques et les promoteurs financiers est centré exclusivement sur le maximum de profits immédiats, mais un profit à outrance. En pratique, on parie sur une série d'indices, la performance des bourses internationales, la spéculation, le rapport entre les monnaies, la bonne tenue des titres de l'État. On anticipe le pari et en agissant ainsi on permet la réalisation de gains rapides, immédiatement disponibles en liquide. Notre société et nos dirigeants n'ont des yeux que pour l'argent, manquant totalement d'humanisme, d'affectivité, la quête du profit avant tout au détriment de l'individu. Il s'agit d'un monde dont l'accès est interdit à qui ne possède pas d'argent. Seul celui qui en possède déjà peut en gagner. C'est enfin dénoncer comment ce système d'investissement soustrait toute ressource à l'économie réelle. Les banques en effet distribuent une patrie très faible de l'épargne en leur possession, par l'intermédiaire de prêts aux travailleurs, d'emprunts immobiliers le plus souvent à des taux élevés avec d'exigeantes cautions et conditions. La finance éthique. La finance éthique se base sur l'efficience, la transparence et l'autodétermination du taux d'intérêt. C'est une alternative concrète pour une épargne plus humaine et plus consciente. Il s'agit de donner un sens à son épargne et œuvrer pour un monde où l'argent relie les hommes. L'argent est d'abord un outil de solidarité. Le consommateur épargnant oriente son choix vers les produits et les marques les plus respectueuses de la dignité du travailleur et de l'environnement. Chacun doit prendre conscience de sa propre responsabilité lorsqu'il confie son argent à une banque plutôt qu'à une autre. Il s'agit de financer un projet à caractère durable qui correspond donc à une volonté dans tes domaines écologiques, sociaux et économiques, de poser des actes en mesurant les conséquences qu'ils auront sur toute forme de vie ou de société, ici et ailleurs, aujourd'hui et demain. Parfois les prêts consentis s'élèvent à de petites sommes, on l'appelle le microcrédit. En effet, surtout dans les pays sous-développés, beaucoup d'activités ne nécessitent pas de grands capitaux pour commencer. Un financement de $100 peut suffire pour débuter une production artisanale dans le sud. En conclusion, pour nous offrir à nous et à nos enfants une planète et un avenir viable, il est important de ne plus financer, acheter ou consommer n'importe quoi, même sous soi-disant prétexte de faire marcher à tout prix la sacro-sainte croissance. Une banque éthique finance des projets vraiment durables, utiles et respectueux de l'homme et de son environnement. Vous contrôlez la destination de votre épargne. Quand le dernier arbre sera coupé, le dernier poisson pêché, la dernière rivière asséchée, le monde se rendra compte que l'argent n'est pas comestible. Privilégier l'homme, c'est vital, agir avec son épargne, primordial. L'argent doit être un moyen et non un but de vie. Penser globalement, agir localement. Chacun doit être l'artisan du monde qu'il veut voir se réaliser sur Terre. Le métier de banquier doit redevenir ce qu'il aurait toujours dû être, en rapport avec l'économie réelle. Et non fondé sur la spéculation. Parlez-en avec votre banquier. Vous écoutez Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.